fais pas marrer comme une blagueur en barre, comme une bagarre en barre, comme un motard qui mangera la rambarde. Ça me fait pas marrer comme passer à la barre, penser à la guerre, penser au prochain attentat en ta gare. Ça me fait pas marrer comme penser au barreau, penser à me tenir à carreau, parier à tout si ça tombe baron. Ça me fait pas marrer comme ces charlatans et leurs tarots, comme ces adolescents qui font tourner shooteuses et carreaux. Ça me fait pas marrer, rien de drôle lorsque je vais te narrer. C'est pas du dernier code carré au pédale du marais. De la sœur qui passe à l'arrière quand la caisse démarrait. Le rire d'un salopard prêt à lui péter l'arrêt. Ça me fait pas marrer d'entendre les gyrophares. J'irai pas me faire encore une soirée, j'suis très enfoiré. Ça me fait pas marrer, le du grand arrêt, enfoiré. J'crois que ça fait quoi de voir un cœur à l'arrêt. Ça me fait pas marrer comme un parloir en maison d'arrêt ou une liaison d'arrêt entre un pompier et une attardée. Ça me fait pas marrer si la promenade se ferait dans le carré. Avoir un tas de caries ou voir son chien crever de la carré. Ça me fait pas marrer, non, comme un film avec Jean Reno où toute une vie a passé dans la peine. Quand une finale se shoot au péno, non, ça me fait pas marrer, non, comme voir la sale tête du gagnant du créneau. Ça me fait pas marrer, pas voir sa tête. Ça me fait pas marrer comme des vacances en région PACA. Manger un placage, on dort au coup pour les faire maca. Ça me fait pas marrer comme un coup de cric pour voir la PAC. Voir ses potes se mettre des claques, plus de crack. Ça me fait pas marrer comme la situation de l'Irak. Fuck, j'aime bien voir un ricain partir en vrac. Ça me fait pas marrer quand le tomahawk attaque. Quand la population grinque tombe sur le tac-tac. Fuck, fuck, quand pour s'en sortir au crack. Dans les mains de jeunes africains drogués sous son barca. Ça me fait pas marrer de voir que la mort les traque. De voir l'homme blanc débarquer, il déclenche de mes îles braques. Ça me fait pas marrer comme se lever avec la trique. Personne a craqué, regardez sa main, elle a niqué. Ça me fait pas marrer comme vouloir faire un choix sans briquet. C'est niqué, comment t'en dire, monsieur a son ticket. Je me marre pas, comme ce type qui mange des tas de balles. La charge à quatre pattes, gars, ton pote ne t'aide pas. Je me marre pas là, comment t'en dire, Guerra en cala. J'imagine l'oreillette, une voix rauque me dit, j'en ai pas là. Je me marre pas, si t'étais pas là. Toi, lui, tout mes gars là, mon tas de salaud. Ma salade, ça me fait pas marrer trop de bord la pied dur une balade. Non, j'suis comme ça, j'ai trop marché, rien qui pense et j'suis malade. Ça me fait pas marrer de les entendre dire, vous n'êtes pas libérable. Monsieur, votre casier indique une vie misérable, indésirable, et à nos yeux, vous êtes coupable. Ça me fait pas marrer qu'on m'ait jugé par des incapables. Ça me fait pas marrer comme une trépale en quad. Voir une pédale à gomme ou prendre une batte sur le coin de la couane. Ça me fait pas marrer comme sortir un flingue à voine. Vas-y, juste pour déconner, non, là, c'est la mort qui te vanne. Vas-y, jette ta rabla. Ça me fait pas marrer, j'pète un câble. Arrête tes blabla, je verrai que des trous si j'baisse ton calbar. Ça me fait pas marrer cette époque de barbare. Entendre le balai de leur peur, voir tous mes potes me dire barbare. J'me marre pas, c'est ça, comme te vendre leur brassard. Ou cet assassin qui voudrait voir mon corps passer. Ça me fait pas marrer d'être la vitrine, j'préfère être casseur. Ça me fait pas marrer quand un baltringue me sort et ta sœur. J'me marre pas comme ce passeur qui sent le placard entre deux douaniers. Là quand tout devient penseur, se sentir comme un gibier parmi les chasseurs. Ça me fait pas marrer de les voir sourire en ouvrant le classeur. Est-ce que j'me marre moi quand j'pense aux frères droits d'où j'pars moi. Et ta patte à cache qui monte sa chatte quand ils ouvrent la moi. Ça me fait pas marrer de voir une mère dans le désarroi. J'aimerais lui dire c'est rien mais le malheur ici est déjà roi. Ça, yeah. Pas marrer, c'est ça.